Qu'est-ce que la personne qui nous écoute concrètement peut faire qui est tannée de tout ça pour se libérer de ces influences-là? Le but, c'est pas ben, se libérer, c'est pas dur. Dans le fond, c'est d'être à l'affût, puis tu te laisses pas faire. C'est tout. Bon, regarde, moi, les 2 ans qu'on a eu, puis tout, je me suis pas laissé faire. C'est tout. Quand il y a des affaires qui arrivent avec des belles promesses, puis tout, c'est juste rester, moi, rester à l'affût, puis observer. Puis à un moment donné, tu le vois, le piège, puis t'embarques pas. Il n'y a pas d'autre chose, là. Leurs patterns qu'ils sont en train de faire, là, ils vont réussir. Ils vont réussir à l'établir. C'est juste que ça ne sera pas viable à long terme.